الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc la dernière fois on a pris des hadiths concernant les afkar du matin et du soir. C'est quand le temps du afkar le sabah? Ça commence quand, ça finit quand? Ouais. Ça commence quand, ça finit quand? Au début du Fajr. C'est quoi le début du Fajr? La verticale. La verticale? Ouais, enfin quand il y a le lever du soleil, il est séparé en deux, verticalement. Quand il y a le vrai Fajr. Le lever du soleil. Tu veux dire quand il y a la lune blanche. C'est pas la verticale. La verticale, c'est le Fajr de Kazib. Ça, c'est le Fajr qui est mensonger. C'est horizontal. Vertical, c'est de haut en bas, et vertical, c'est de droite à gauche. Vertical, c'est comme ça? Non, c'est ça, vertical. Ça, c'est horizontal. Comme l'horizon. C'est comment l'horizon? Ouais, c'est comme ça. Bah, c'est l'horizontal. D'accord. Donc, ça commence avec la levée du Fajr, et ça finit quand? Le Askar du matin, il finit son Maghreb? Ah, non, Doha. Au lever du soleil. Au lever du soleil. Ou à Askar al-Masa, Andak? À la Sahih et le Maghreb. Certains disent depuis Dhor, ça commence, mais bon. Taïb. Donc la dernière fois, on avait pris trois. On a pris trois hadiths. Donc, le code Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-An, nakhouz al-hadith, al-wahid ou al-khamsin. 51e hadith. عن جهيرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على حال التي فارقتك عليه أو فارقتك عليه وعليها قالت نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رواه مسلم. Donc là on a un hadith selon Jouairiya, l'épouse du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez elle, comme vous savez, les plusieurs épouses, donc c'est toujours été chez elle, il est sorti pour le Fajr. Et quand il est revenu, il a retrouvé à la place, quand il dit Fi Masjidiha, c'est l'endroit où elle faisait salat, chez elle. Parce que le meilleur endroit pour la femme faire salat, c'est chez elle. Donc, encore une chose qui va peut-être des fois, tu donnes ce genre de sujet-là à des femmes, comme vous êtes à l'heure, t'en as, elles ne veulent pas. Elle dit, je vais aller au masjid. C'est un droit que j'ai. On dit, naam, c'est un droit que tu as si ton mari te le permet. Mais sache que c'est quoi que tu veux par la salat du Fajr? Tu veux le hajr, n'est-ce pas? On va dire, naam. Et bien, en faisant chez toi, dans ta pièce à toi, tu as plus de hajr. Donc, pourquoi s'agacer si ton époux ne veut pas? Il ne te prive pas de hajr en faisant cela. Tu n'as pas moins de hajr. Si encore tu avais moins de hajr, on pourrait peut-être comprendre, mais tu n'as pas moins de hajr. Donc, où est le besoin de rentrer en dispute avec lui par rapport à ça? Et peut-être qu'il a vu une chose que toi tu n'as pas vue, qu'il sent qu'il y a un danger derrière, ou voilà. Voilà. Et le fait en plus d'avoir obéi à ton époux qui te dit non, t'as encore du âge. Tu vois, t'as encore du âge. Point également que je voulais citer tout à l'heure par rapport aux prédicatrices. Important. Que ce prédication, c'est-à-dire cet engouement qu'elle a. Déjà, il faut que son mari l'encourage. D'accord? Tant qu'il voit qu'il y a un bien, que c'est bien géré, qu'il l'encourage. Mais il ne faut pas que cela empiète sur ses obligations domestiques. Car c'est ça qui est aoujab alayha. D'accord? Ce qu'elle a à faire chez elle, si elle est mariée, mère de famille ou quoi, cela prédomine sur le domaine de la prédication. Et d'ailleurs, appliquer cela fait partie de sa prédication. car elle-même, en fait, elle va appliquer ce qu'elle a appris. Regardez par exemple Aïcha, radiallahu anha, elle disait qu'elle ne pouvait pas rattraper Ramadan, les jours qu'elle avait en retard, si ce n'est comme le dukhul ou fi akhir, akhir Sha'ban. À la fin de Sha'ban, donc le nouveau Ramadan y rentre. Min shughulihi bi khidmat Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, car j'étais occupé à servir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, c'est Aïcha. Aïcha n'avait pas d'enfant. Elle était jeune. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs femmes. Donc on se dit, qu'est-ce qui lui prenait autant de temps au point qu'elle ne pouvait pas rattraper ses jours de jeûne? À rattraper. Parce qu'elle était dévouée au prophète et se disait qu'il peut avoir besoin d'elle à n'importe quel moment, donc vous voulez être prête. Au point de repousser un jeûne. Elle rattrapait ses jours. Mais elle repoussait pourquoi? Pas pour faire une hantise ou par refla. Beaucoup aujourd'hui, c'est ça. Ramadan, elle ne peut pas tout jeûner parce qu'elle a eu ses menstrues ou elle a eu quelque chose. Bon, elle a un temps large pour attraper, mais elle repousse, repousse, repousse, repousse, jusqu'au jour où ça arrive pendant Ramadan. Ah, prise par le temps, elle ne sait plus quoi faire, elle est perdue. D'accord? À force de repousser. Aïcha, ce n'était pas ça. Aïcha repoussait volontairement parce qu'elle se disait, ce que je vais faire pour le prophète m'est préférable et m'est plus méritant que de rattraper mes jours de Ramadan maintenant, alors que je pourrais le faire après. C'était quoi? La khitma du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois? Alors qu'aujourd'hui, tu auras un autre contraire, une situation différente où la femme voudra jeûner, son mari ne voudra pas qu'elle jeûne. On parle d'un jeûne qui n'est pas obligatoire, bien sûr. L'obligatoire est indiscutable. C'est un homme, par exemple, il veut que sa femme soit à sa disposition quand il en a envie. C'est un droit qu'il a, qu'elle a lui donné. Donc sa femme dit, je vais jeûner. Il dit non, je veux pas que tu jeûnes aujourd'hui. Tu vois. Et là, t'en as vont mal le prendre. Ouais, tu m'empêches de faire du khayr, tu m'empêches d'adorer Allah Zawajel, tu m'empêches. Non, je t'empêche de rien du tout. Quand tu m'obéis, t'as du ajr. Et ce pourquoi je voudrais te trouver non jeûneuse, t'auras également du ajr, encore plus encore. Donc je ne t'empêche pas d'adorer Allah. En ne jeûnant pas selon mon ordre, tu adores Allah. Et en répondant à mon appel, quand je voudrais, tu adores Allah. Donc, non. C'est peut-être que juste mon interdiction ne coordonne pas avec ta motivation actuelle sur cet acte-là. Mais si le but, c'est d'avoir du ajr, je ne t'empêche pas d'avoir du ajr. Non. Parce que moi, j'ai une raison, et cette raison-là, eh ben, elle t'apporte du ajr également. Voilà. Maintenant, également, bien sûr, à l'inverse, on dit aux époux de ne pas être, tu vois, d'être souple là-dessus. Tu vois ce que ça veut dire? Ta femme a envie de jeûner et ça lui fait du bien à son cœur, ça lui fait du bien à sa religion, elle sortira meilleure. Elle sera la meilleure épouse pour toi. Tu vois? Je veux pas trop de l'abus de pouvoir, comme on dit. Abus de pouvoir. Non, elle doit, si tu veux que je dise oui, si je dis non, et juste, t'en as, il faut juste pour dire non. Pour dire c'est moi le chef. Tu vois, ça sert à rien. Si t'as pas besoin de ta femme, elle veut jeûner. C'est que du réel pour elle. Son cœur, il s'améliore, il se purifie. Sa foi, elle monte. Et plus sa foi montera, plus elle s'améliorera, et mieux elle sera une meilleure épouse encore. Donc ça tourne avantage. Tu vois. Donc dans les deux côtés, il faut regarder, tu vois. Si t'as ton épouse faire un khayr, il n'y a pas le mal derrière, laisse-la faire, Harry. Tu vois. Fais pas abus de pouvoir. Même si c'est un droit que t'as, si t'en as pas besoin, vas-y, laisse. Et même des fois, il n'y a pas le mal, toi aussi, tu dis j'ai envie, allez, calme-toi, laisse. T'as vu. Il y a le soir qui vient, il y a demain si tu veux. Laisse, aujourd'hui, elle veut jeûner. Là, ça veut dire. Et en plus, jeûner, c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui aime jeûner. Donc si tu vois que ta femme, elle aime jeûner, alhamdoulilah. Par rapport à ça, c'est l'exemple pour dire qu'en réalité, elle est irtissable dans ce qu'une femme va faire. Et donc ça, il faut que les sœurs prédicatrices en prennent conscience pour justement éduquer les jeunes sœurs à comprendre cela. Ce n'est pas une punition. Tu es toujours gagnante en réalité. Tu vois, tu es toujours gagnante. Donc ne pas que cette prédicatrice, cette enseignante appelle à dire non, si tu veux jeûner, les maris n'ont pas droit de vous empêcher de jeûner. Bla, non! Fais-la obéir à son mari. Si jamais c'est son père, fais-la obéir à son père. Et ainsi de suite. Lui faire comprendre justement une chose, toujours lui montrer le côté positif. Tu peux pas voir cela, t'inquiète pas, t'as rien perdu. T'as ça à côté que tu peux faire. AMC, ne sois pas une rebelle. Sois pas une révoltée. Tu vois. Évite au maximum de cet esprit de révolte qui va lui nuire. Parce que s'il commence, il va grandir, grandir, et après ça va être à outrance. Essayer d'apaiser les esprits, en fait. Il y a trop de révolte aujourd'hui. Pour rien. Dans les sujets où il n'y a pas besoin de se révolter, malheureusement. Donc, je vous ai dit, D'accord, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a laissé dans son lieu de salat, donc dans sa pièce à elle. Et il revenait après le Doha. C'est quand le Doha, une fois que le soleil s'est levé. D'accord. Et il revient, il la trouve assise. Il a dit, tu es toujours comme je t'ai laissé. Au moment où je suis parti, tu étais là, tu es encore là. Elle dit, oui. Et il a dit, Nabi sallam, depuis que je suis parti, en fait, après la salat, j'ai dit quatre paroles qui valent mieux que tout ce que tu as dit depuis que je t'ai laissé assise jusqu'à maintenant. Parce qu'elle faisait ses askars, en fait. Elle faisait beaucoup d'askars. Il a dit, j'ai juste quatre paroles. Elle est toute seule. D'accord. Elle l'emporte sur tout ce que tu as dit depuis le temps que tu es là. Donc il lui apprend un khayr. C'est pas parce qu'elle a dit arrête de faire ce que tu fais. Il a dit, il y a mieux encore. D'accord. Il y a mieux encore. Donc il lui a dit, c'est quoi ce zikr? Subhanallah wa bihamdihi adad khalqihi wa rida nafsihi wa zinat arshihi. On traduirait par Subhanallah, c'est le qu'Allah soit purifié de tout manque, de tout défaut et de toute ressemblance à sa créature. Wa bihamdihi, et par sa louange, ça veut dire que Allah soit purifié et qu'il soit loué autant de fois qu'il n'a de créatures, c'est-à-dire un nombre égal au nombre de ses créatures. Combien sont ses créatures? Indénombrables. Indénombrables pour nous. On ne peut pas les dénombrer, c'est pas possible. D'accord? Donc, c'est-à-dire de façon indénombrable. Autant qu'il l'aime, redan nefsihi, autant que cela le satisfait, qu'il soit purifié, qu'il soit loué, autant qu'il aime ça. Donc c'est un nombre. Voilà. Et autant que le poids de son trône, et le trône c'est la créature la plus grande que l'on connaisse, nous les hommes, que Allah nous a parlé, tu vois, et autant que le nombre ou la quantité d'encre pour ses paroles. Et ses paroles, pareil, elles sont indénombrables. Donc ça veut dire que tu fais un tasbih, un nombre. En fait, tu dis une phrase par laquelle tu veux dire que sabbihuka autant de fois que ça. Mon tasbih, je veux qu'il soit aussi nombreux que le nombre de tes créatures, que aussi grand que tu l'agrées, aussi grand que le poids de ton trône, et aussi grand que l'encre qui soit à usage pour écrire tes paroles. En fait, il n'y a pas de nombre. Ça veut dire, il n'y a pas de nombre. On n'a pas un nombre qui arrive à dénombrer cela. Donc, ça a été résumé en ces phrases-là. Ce qui est beaucoup plus éloquent, beaucoup plus marquant. Tu le répètes ça trois fois. Il a dit, « L'accord de Kultu ba'adaki, arba' kalimat, salaf marrat. » J'ai dit quatre paroles, trois fois. Donc, tu répètes trois fois cela. Et ça, c'est parmi l'azkar du matin. Donc il dit l'auteur, en parlant de Jouairiya, c'est la mère des croyantes, Bint al-Harith, Ibn Abi Dirar et Mustatliqiyya. Elle a été prise en prison, faite captive à la bataille de Mouraïziya, dans la cinquième année de l'Hégira. Et son nom, c'était Barra. Son vrai prénom de base, c'était Barra. Et Barra, c'est un nom qui a une connotation de teskiya, d'éloge. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des noms qui ne sont pas recommandés. Wala tuzakku anfusakum. Dans le Coran, elle a dit, ne vous vantez pas vous-même. Donc tout nom qui amène à ce que tu te mettes en avant, tu te recommandes ou quoi, c'est pas bon. Donc il l'a appelé Jouairiya. C'est magnifique. C'est ça qui est beau dans les noms arabes, c'est qu'ils ont un sens. Et ben demain, les prénoms français, voilà quoi, ils ont... C'est vide. Par exemple, je sais pas moi, le nom de femme, français, ça veut dire quoi Stéphanie? Attention, je critique pas les sens, ça s'appelle Stéphanie. Hein. Je parle le prénom lui-même. Les prénoms français, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça, Stéphanie? Et bien, quelqu'un qui s'appelle Stéphane, ça veut dire quoi Stéphane? Tu vois? Même mon prénom, bon, j'ai pas envie de le dire aux gens, je sais pas ce qu'il veut dire. J'ai cherché, j'ai jamais trouvé le sens. J'ai trouvé des origines, mais je sais pas c'est quoi le sens. C'est dommage quoi, tu vois, on a des prénoms. Il dit, oh, il est trop beau ton prénom. Et il veut dire quoi? Je sais pas. Bah, Cette beauté sert à rien, tu vois. Par contre, ceux qui ont gardé ça, c'est les Africains. Qui prennent le nom français. Ma gloire. Attends, il y a quoi comme prénom comme ça? C'est des noms comme ça qui ont un sens. En fait, c'est l'équivalent des noms en arabe, mais en français. Les gens rigolent, hein. Ils me disent, mais ça, c'est un prénom qui a un sens, excuse-moi. Tu rigoles, mais c'est un prénom qui a un sens. Tu vois? Victoire. Ça, il n'y avait plus aux Antilles des victoires des femmes. C'est des femmes, ça s'appelle Victoire. Tu vois? En arabe, c'est Fawz, hein? Précieux. Précieux. Tu vois? C'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un arrive, comme tu appelles précieux, tu vas. T'auras un. Parce qu'on n'est pas habitué, tu vois? Mais en vrai, c'est ça un prénom. Si, il faut qu'il ait un sens beau. Mais qu'il ait un sens. Aujourd'hui, les noms français, t'as trouvé, ils ont un sens, on a oublié l'étymologie. Allah alam. Tellement c'est devenu juste un love, un terme. Mais, c'est des. Nos prénoms, ils n'ont pas de sens beau derrière. En arabe, si, ils ont tous un sens. Il n'y a pas un mot qui vient comme ça sans qu'il ait de sens. Et si on ne trouve pas le sens, c'est qu'on ne le connaît pas, ou alors peut-être des fois, c'est un nom qui n'est pas arabe, on oublie. Par exemple, Mariam, c'est pas un prénom arabe. Il y a un sens, mais on ne le connaît pas. Tu vois. Plein de noms comme ça, c'est des noms de gens salihin dans le Coran, des noms de Anbiya, qui ne sont pas des noms arabes. Mais ils ont un sens. Dans la langue d'où ils ont pris, ils ont un sens. Et maintenant, aujourd'hui, tu regardes bien, même dans d'autres pays, hein, ils ont souvent des prénoms en anglais, je sais pas, moi, ça s'appelle Bill, John, je sais pas si ça a un sens, hein. Allah alam. Mais voilà, quoi, ça c'est vide. Donc tu vois un prénom comme ça, c'est magnifique. C'est un beau prénom. Aram Barak. Et il dit qu'elle était parmi les plus belles des femmes. Tu vois. De toute façon, toutes les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des belles femmes. D'accord. Et le Allah azawajal n'a pas choisi pour son prophète que ce qu'il avait de mieux. Donc il a eu les meilleures femmes. Et les plus belles des femmes. Et c'est jaloux les unes des autres, ce qui est tout à fait normal. D'ailleurs, elle va le dire à Aïcha, dans le hadith. Elle dit, c'est un truc qui nous fait toujours sourire, ça. Cette histoire-là nous fait toujours sourire. Mais c'est beau, tu vois ce que je veux dire, c'est beau. C'est lorsqu'il y a eu la guerre, justement, cette guerre-là, que Juhriya a été prise captive par, c'est qui? C'est Al-Harith. Al-Harith ibn Qais ibn al-Shammas. Il a eu, parce que quand il faisait la guerre, il prenait le butin, il prenait également les femmes et les enfants en captif. Donc elle était prise captive, et en fait, après, le butin est partagé. Et lui, Al-Harith, dans sa part de butin, il y avait joué, enfin, il y avait Barra, à l'époque, elle s'appelait Barra. D'accord? Donc elle était sa captive. Et elle lui a dit, c'est au cas Tibouk. Donc, dans quel sens? Je vais me racheter. Car le Mukatib, c'est l'esclave qui veut racheter en fait sa valeur à son maître pour être libre. Mais elle n'avait pas assez d'argent. Donc elle est partie voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour demander de l'aide par rapport à ça. Et elle disait à Aïcha, elle dit, cette femme-là, il n'y a personne qui la voyait sans qu'il ne soit séduit par elle. Par rapport aux hommes, bien sûr. Même les femmes avaient, elle était très belle, tu vois. Et elle a dit, quand je l'ai vue dans la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai détestée. Parce qu'elle a vu qu'il y avait de la concurrence. Elle a dit, je détestais, karahtoua. Mais c'est une belle jalousie, tu vois. Aïcha, elle n'a jamais fait de crise au Nabi, elle a été jalouse, elle a déjà fait tomber des plats, elle a déjà voulu même mourir en mettant ses pieds dans les fourrés, et en demandant là qu'il envoie un scorpion ou un serpent. Elle dit, haya ya rabbi, akrab, tellement elle ne supportait pas. En fait, elle n'avait pas supporté parce qu'il y avait eu un échange entre elle et... C'était qui? Je ne sais plus c'était quelle femme. Elle avait voulu faire une forme de ruse et Aïcha l'a perdue. Aïcha voulait ruser avec une autre et en fait, c'est retourné contre elle. C'est-à-dire que c'est sa co-épouse qui a trouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa place à elle. Et ça l'a fait du grave du mal. Et là, elle a voulu mourir ce soir-là. En savant que c'est sa nuit à elle, mais comme elle a fait un pacte avec sa co-épouse, c'était qui? Sa fille ou... Ah, j'ai oublié c'est laquelle. Bref. Et comme elles ont échangé leur monture et que Namissam est parti avec l'autre, et Aïcha ne pouvait rien dire parce que c'était un pacte qu'il y a eu, elle a voulu mourir en face de voilà, tu vois. Une belle jalousie. Mais une jalousie qui n'amène pas à quoi? À de la rébellion, et à des menaces, et à des pressions, voilà quoi. Et ça aussi, on aimerait que les prédicatrices enseignent cela aux sœurs à gérer leur jalousie. Que la jalousie n'amène pas à dépasser les limites. La jalousie, c'est une chose qu'Allah Azawajal l'a mis dans la femme. Mais que cette jalousie ne soit pas un prétexte pour dépasser les limites. Donc Aïcha a dit que lorsqu'elle a vu Juhriya à la porte d'une Nabi, elle a compris tout de suite. Ça, c'est l'intelligence de la femme, ça. Elle a vu à la porte, elle est belle, je sais ce qui va se passer. Et ça a pas loupé. Joaïria, elle a dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam que elle voulait se faire libérer, elle était prise comme butin par Hatib, elle voulait se racheter, est-ce qu'il pouvait l'aider à cela? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, j'ai mieux que ça pour toi. Elle a dit, c'est quoi? Elle a dit, tu te maries avec moi, et en contrepartie, en fait, ça sera son mahr, moi j'aide à payer l'affranchissement. Elle a dit oui. Et c'est le prophète qui te dit ça, tu vas dire non? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit oui tout de suite. Ça l'a arrangé. Ça s'est fait. Après, on raconte pas ce qui s'est passé avec Aïcha, comment ça s'est passé, c'est pas cité. D'accord? Quoi qu'il en soit, ce mariage n'a pas été mujarrad li husniha. C'est dû parce qu'elle était belle. Derrière, il y a eu un khayl azim, c'est que toute la tribu de Joairia a été libérée. Par ce mariage, Joairia a été un moyen, par ce mariage avec le prophète, que toute sa tribu qui avait été prise captive a été libérée. Ils sont rentrés en islam, pour ceux qui ne l'étaient pas, elle a été libérée. Ils ont été libérés. Donc c'est un mariage également stratégique. Et ils ont dit que c'était le mariage qui était le plus de baraka pour son peuple, c'était Joairia. Et quand il s'est marié avec elle, elle avait 20 ans. Ça, c'est encore une chose pour casser les stéréotypes du mariage de différence d'âge. En islam, il n'y a pas. Maintenant, oui, selon les coutumes et les époques, il faut prendre ça en compte. Pour pas que ça mène à plus grand mal. Mais si demain, un homme de grand âge va se marier avec une femme de jeune âge, qui sont d'accord tous les deux, qui les voient, il n'y a personne qui a rien à dire. Personne n'a rien à dire. Et c'est pas de la pédophilie, comme les gens le disent. Tu vois, c'est pas de la pédophilie. Le prophète Salah l'a fait avec Aïcha, l'a fait avec Joairia, qui était un peu plus âgé, il l'a fait avec d'autres. Ainsi de suite. Il était plus âgé, beaucoup plus âgé qu'elle. Et il était le meilleur des hommes, donc, de surcroît, le meilleur des époux. Il a dit Khaylokum Khaylou binisa'ihi, wana Khaylokum binisa'ihi. Il a dit le meilleur d'entre vous, celui qui est le meilleur avec ses épouses, je suis le meilleur avec mes épouses. Et ça, c'est vrai. Donc, pareil, cette histoire d'âge, et en plus, ça varie d'un lieu à un autre. T'as des pays, ça va être choquant, des endroits, c'est normal. Tu vois, dans les pays d'Afrique, des pays d'Asie où il y a des mouches, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Au Yémen, c'est pas un problème, ça. Tu vois. Dans les pays d'Afrique, c'est même pas des moussimounes. C'est pas un problème dans plein de pays. Hein. L'homme, il est très âgé, il prend une jeune fille, tu vois. Les gens, ils crient au scandale, mais. Chal'an, il a le droit. C'est pas haram. Voilà, les gens sont plus choqués que de ça que d'aller voir un marabout. Ils vont voir du shirk, ils vont voir des bidars. Ils vont voir des marassis. Non. Par contre, un, il fait ça, c'est un scandale. L'autre, il veut pas se mélanger avec ses cousines, c'est un scandale. L'autre, il sait pas la main aux femmes, c'est un scandale. Par contre, lui, il va aller voir les marabouts. Non, c'est rien. Tu vois, Adi. Ou l'autre, justement, bah, il se mélange avec les femmes étrangères. Adi. Tu vois, ainsi de suite. L'autre, il est avec sa belle-sœur, la femme de son frère, en tête à tête. Adi. Ça, c'est le djel chez les gens. Donc, le shahid de cela, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Joairia un zikr qui a beaucoup de valeur en peu de paroles, en quatre paroles. Subhanallah wa bihamdihi, adad khalqihi, rida nafsihi, wa zinat arashihi, midad kalimatihi. Trois fois. Tu dis ça le matin, c'est parmi les askars du sabah. Et ce zikr, par qui on l'a connu? Ben non, je viens de le dire, par qui on l'a connu? Qui c'est qui a rapporté le hadith? Oui, c'est sa parole, mais qui a rapporté le hadith? Son épouse. Donc, derrière Allah. Parce qu'il a fallu qu'il reste chez elle. Regardez la faïda, elle est restée chez elle à faire du zikr. Il est rentré chez lui, il l'a trouvé. Donc il lui a enseigné ça, et elle nous l'a rapporté par la suite. Vous voyez? Ça c'est ta'lim, elle nous a enseigné. Et c'est un enseignement qui profite à tout le monde, homme comme femme. Et peut-être que ce zikr, on ne l'aurait pas connu, ça n'avait pas été une situation, parce qu'il lui a dit cela parce que du fait qu'elle était restée à la maison, faire sa salat, son zikr, à la maison, comme cela est meilleur pour elle. D'accord? Et parfois, de temps en temps, Aïcha partait faire la salat du sobh avec la jama'a. Mais elle disait, on revenait dans l'obscurité à tel point que on était enveloppé dans nos vêtements. Je te prouve que la femme, elle se couvre intégralement Et complètement, c'est-à-dire on ne pouvait pas les reconnaître qui elles étaient, dans l'obscurité de leurs vêtements. Mais parfois, les femmes, ça va du sobre. Avec la jamais, hein, c'est permis. Mais le meilleur pour elles, c'est. C'est ça que peut-être des fois pour casser la monotonie, ou je sais pas, t'as envie de faire un tour, il fait frais, il fait bon. Maintes raisons, tu vois. Que la femme elle veut aller, il a dit Nabi sallam, n'interdisez pas aux servantes d'Allah les messagers d'Allah. Il ne faut pas lui interdire. S'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de mal derrière, elle veut aller au masjid, laisse aller au masjid. Mais on dit, comme a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que leurs maisons sont meilleures pour elles. Leurs maisons sont meilleures pour elles. Malheureusement, aujourd'hui, on a éduqué la femme à sortir et à faire des va-et-vient. À tel point que lorsqu'elle doit rester chez elle, elle ne supporte pas. Et ça également, c'est une chose qu'on aimerait que les prédicatrices arrivent à enseigner aux femmes, que ça vienne de la bouche d'une femme. Parce qu'elles disent que nous, quand on parle de ça, c'est notre avantage à nous. Vous dites que vous êtes des hommes et tout. Quand ça vient de la bouche d'une femme, voilà, c'est... j'aimerais tellement, tellement entendre un jour une femme faire un rod au féminisme. Oh là là. Une sœur instruite en din, faire un rod ilmi avec adab, bien sûr, bon comportement, sagesse, au féminisme. Une femme. Parce que c'est tout le temps nous. Et les gens disent, ouais, mais normalement, c'est contre vous le féminisme, ça vous arrange pas, c'est pour ça que vous réfutez. Tu vois. On aimerait que des femmes s'engagent là-dedans, se consacrent à faire cela. Tu vois. Mais de façon sincère. Et avec science, bien sûr, avec ilm. Voilà une sœur qui fait ça, mais Allahu Akbar, on ferait tellement de doigts pour elle. Tu vois. Et son écrit ou quoi, il serait émiteur, il dit au frère, hé, obligé de vous partager ça, là, ça va être une femme, là. Comme encore le Ta'ala, wa shahida shahidun min ahliha. Que un témoin de sa famille a témoigné. C'est-à-dire que cela, c'est une femme qui vous parle et qui vous met en garde contre le féminisme. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'excuses. Quand c'est les hommes, vous pouvez dire, ouais, mais parce que vous, ça vous dérange, parce que voilà. Maintenant, c'est pas nous. C'est une sœur, là, qui vient, qui vous dit, qui vous met en garde contre le féminisme. Et elle en parle en détail, mais avec les hadiths. C'est pas te ramène vers les livres de Koufar ou je ne sais quoi. Elle t'en parle avec Kitab Sunna. Et qu'elle-même utilise son expérience, moi, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère de famille, je le vois et je vois les femmes féministes, comment elles vivent, ainsi de suite, blablabla, bla, bla, bla, tu vois. Et elle fait un rôle ennemi. Magnifique. Tu vois. C'est ça qu'on voudrait, que des femmes enseignent aux femmes ce que la femme doit savoir. De la bouche d'une femme, ça aura plus d'impact. Mais il faut que ce soit bien fait. Et comme on l'a dit, avec les conditions. C'est pas fait des lives, c'est pas s'expose, c'est pas elle est inconnue, c'est pas elle a pas appris, c'est une jahila murakkaba. Elle croit qu'elle sait alors qu'elle sait pas, d'accord. C'est pas elle fait ça dans le but d'avoir des vues, des likes et des abonnés. Non. Lillah azza wa jal. Qul hadhi sabili yad'u ila Allah ala basiratin ana wa mattaba'ani wa subhanallahi wa ma ana mushtakin. Dis, voici mon sentier, j'y appelle avec clairvoyance. J'appelle à Allah avec la voyance, moi ainsi que ceux qui m'ont suivi. Et c'est ça qu'on aime trouver. Il n'y a pas besoin d'avoir d'État. Mais il en faut. Peut-être dans d'autres pays, il y en a. Moi, je parle francophone, je n'ai pas connaissance. Peut-être chez les Anglais, il doit y en avoir. Chez d'autres pays, il doit y en avoir. Vous voyez ? Mais chez les francophones, je n'ai pas connaissance. Et si des gens connaissent, qu'ils me le fassent savoir, je serai heureux. Heureux. D'accord, de contribuer à ce que cela se fasse savoir et de pouvoir diriger les sœurs vers cette femme-là. Yaqul fawaid al-hadith isbat sifat al-nafs lillah ta'ala wa sifat al-kalam, qu'on y voit l'affirmation de l'attribut du nafs. Nafs d'Allah azza wa jal, il y en a dit c'est zatullah, c'est son essence. D'accord ? Wa zatullah. Et que mon attribut de la parole. Thaniyan isbat al-arsh wa huwa a'zam al-makhluqat allati na'lamuha. Et cela également affirme l'existence du arsh, du trône, qui est la plus immense créature que nous connaissons. Thalithan mashru'iyyati qawl hadha adh-dhikr fi as-sabah. Qu'il est légiféré de dire ce dhikr au matin. Rabi'an, anna salat al-mar'a fi baytiha afdal min salatiha fi al-masjid. Que la salat de la femme dans sa maison est meilleure que sa salat au masjid. Khamisan, mashru'iyyati ittikhaz makan yusalli fihi l'insan fi baytihi. Et qu'il est légiféré à la personne de choisir un lieu particulier chez lui pour en faire un lieu de salat. Même pour l'homme, hein, qui fait salat au même endroit. Mais il a un lieu particulier. Il a un coin, je sais pas, dans son bureau, une pièce chez lui propre, bien aménagée, il fait salat. Et la femme, plus c'est un lieu qui est isolé et reculé, mieux c'est pour elle. Dans sa chambre, dans un coin, le plus. À la base, on a dit la femme, la base, elle, c'est le sitre. C'est qu'elle soit préservée. Moins elle est vue, mieux c'est pour elle. Et ça, ça va. C'est un djihad énorme pour elle. Parce que la femme, elle aime être vue. La femme, elle aime séduire. T'as qu'à se voir dans la rue comment s'habille. Hein. C'est pas les hommes qui s'habillent, c'est les femmes qui s'habillent comme ça. Qui c'est qui se met à qui? C'est les hommes ou c'est les femmes? Qui c'est qui a des chaussures qui fait tac tac tac quand tu marches? C'est les hommes ou c'est les femmes? Qui est-ce qui va chez les... Bon, c'est avec les hommes aujourd'hui. Il y a des hommes aujourd'hui, ils commencent à changer, tu vois. Qui c'est qui va chez les coiffeurs, qui fait de la manicure, qui fait du vernis à ongles, qui plein de bijoux? C'est qui? En général. Bon, maintenant, c'est vrai que t'as si, chez les hommes, tu vas trouver ça. Mais pourtant, chez la femme. Qu'est-ce qui a mis à faire de chirurgie esthétique? Parce que la femme, le de ses plus grands atouts, c'est de séduire. C'est une réalité. C'est de séduire. C'est pour ça qu'il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque la femme, elle sort, shaitan l'embellit. Et elle se sent regardée. Elle se sent observée. Et ça, elle aime cela. Donc, quand tu dis à une femme, reste chez toi, ne sors pas, couvre-toi, celle qui n'a pas un vrai tawhid, hein, ah, c'est dur. C'est dur pour elle. Tu vois. Mais c'est un djihad. Justement, et ce djihad que tu vas faire, tu as du hajj l'azim. Tu as du hajj l'azim. Mais ça, c'est pour quelqu'un qui comprend qu'il veut vraiment l'au-delà. Qu'agir de la sorte. Comme on dit, c'est pas pour te priver ou pour te punir. Au contraire, c'est pour ton bien. Oui, justement, on voudrait. Qu'est-ce qu'on voudrait? Des sœurs prédicatrices qui aillent à faire comprendre cela. Alors, sœurs. يقول فضل هذه الكلمة وأن قائلها يدرك فضيلة تكرار القول بالعدد المذكور. Donc le mérite de dire ces paroles-là est que celui qui dit cette chose-là, il aura la récompense s'il le cite le nombre de fois cité. C'est combien de fois on l'a dit? Trois fois. Par contre, sachez une chose, c'est Afkar que l'on dit là. Tu peux le dire à n'importe quel moment. Mais le tarsis, un waqt mu'ayyen ou un adad mu'ayyen, un moment particulier, un nom particulier, ça c'est pour les afkars du sabah. Mais non, ça c'est zikra, tu peux le dire là, maintenant, dans la journée, une fois, comme ça. À l'autre moment, juste, il ne faut pas que tu le particularises un moment particulier autre que le temps par lequel il était particularisé par la législation. Ah, sinon, dans la journée, tu peux le dire là, tu peux le dire là, tu peux le dire demain, dans une semaine, tu peux le dire. C'est du zikr toujours. Ça rentrera dans le zikr al-mutlaq. C'est le zikr qui est général. Al-muqayyad, c'est celui qui est restreint à des règles particulières, d'une façon particulière, à un moment particulier. Ce qui montre le souci qu'a porté Jouairia à l'adoration et au rappel. Parce qu'il y en a qui ont dit, ah, j'ai la plus ma fille comme ça maintenant. C'est pas ça le sens. Voilà quoi. Quoi qu'il en soit, même si c'est pas ça le sens, ça reste une femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc nomme ta fille comme cela. Nomme ta fille comme cela. C'est un grand khayr. Thaminan, istihbab al-julus al-dhikr par solat al-fajr wa adab al-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi. Et ce qui montre qu'il est recommandé de rester assis au masjid après la salat du fajr pour faire du dhikr. Et c'est ce que faisait le nabi sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Aujourd'hui, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Je voulais prendre un autre hadith, mais on le prendra la semaine prochaine, mercredi. Et comme je l'ai annoncé, chaque semaine, là, on va commencer à descendre de 10 minutes. Par exemple, aujourd'hui, c'était 20h. La semaine prochaine, ce sera 19h50. Ensuite, ce sera 19h40, parce que les salawat redescendent. D'accord ? Donc, restez là-dessus. Que j'annonce le dess, après des fois je rajoute 5 minutes, le temps que j'arrive, que je me pose, que je me refroidisse. Tu vois. Mais sinon, voilà, c'est ça l'heure du dess à peu près. Et donc chaque semaine, on va descendre au fur et à mesure avec le temps des salawat. Tayyib. Naktafi biyad al-qadr, fa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.